sont des produits qu'on appelle les issus, qui sont de trois catégories, selon leur texture et leur finesse. Il y a les produits les plus grossiers qu'on appelle le son, puis il y a un produit plus fin qu'on appelle la repasse, et un produit plus fin encore qui est aussi léger que la farine, qu'on appelle le remoulage. Voilà, ce sont ces trois produits issus de l'enveloppe du grain qui étaient produits et qui étaient destinés aux animaux, essentiellement aux cochons et aux poules. Qu'est-ce qu'on donnait à qui? Qu'est-ce qu'on donnait aux cochons? Qu'est-ce qu'on donnait aux poules? On donnait un peu n'importe quoi. Surtout du son, c'est-à-dire en fait, on ne leur donnait pas du son comme ça. En fait, pour nourrir les cochons, mais même les poules, mais surtout les cochons, on faisait bouillir des pommes de terre. Des pommes de terre qu'on n'avait pas mangées pendant l'hiver, des vieilles pommes de terre qui commençaient à germer, ou des pommes de terre en surplus. Bon. Et quand elles étaient bien chaudes, on les pétrissait avec la main et on les mélangeait au son. Ça faisait la pâtée. Et cette pâtée, ça engraissait tous les cochons du coin. Et les poules aussi. D'abord, c'était chaud. C'était très nourrissant, mais ils en étaient friands. Donc on mélangeait ça avec des pommes de terre. Ou alors du vieux pain. Bon, le son, c'est un produit, si vous voulez, qui s'hydrate très facilement, quoi. Donc dès qu'on le mélange à quelque chose d'un peu aqueux ou à des pommes de terre, enfin, c'est solide, hein. Ça fait du solide. Donc on, voilà,